plutôt que revenir en arrière. Parce que la vie s'empare de moi, qui pour me prouver le contraire. Je suis seul, j'ai peur quand il fait noir. Quand je parle de vive voix, je crie mais en vain, j'ai perdu mon cœur. Qui pour me sortir de ce trou noir, je suis seul face au miroir, je défie mon cœur. À 2000 à l'heure, à 2000 fleurs. Parce que la vie s'empare de moi. À 2000 à l'heure, j'éponge mes pleurs. J'ai peur d'avancer seul. C'est pas évident. C'est pas évident. La nuit je prends des claques. La nuit je prends des claques. Volé par le vent. Parce que la vie s'empare de moi. Le ciel s'empare de mes prières. Le ciel s'empare de mes prières. La terre pourrait changer de ciel. La terre pourrait changer de ciel. J'ai plus envie de m'épuiser. Parce que la vie s'empare de moi. J'suis à deux doigts parler sans pourrir toute seule. J'essaie de me vider le soir mais j'ai le cœur brisé. Par sécurité Dieu, mon seul allié, à jamais solitaire. Fatigué je m'arrête au bord de la route. J'aurais dû mourir. Plutôt revenir pour mourir. Plutôt revenir pour mourir. Plutôt revenir pour mourir. J'ai peur d'avancer seul. C'est pas évident. C'est pas évident. La nuit je prends des claques. La nuit je prends des claques. Voilé par le vent. Parce que la vie s'empare de moi. Le ciel s'empare de mes prières. Le ciel s'empare de mes prières. La terre pourrait changer de ciel. Quand la pluie tombe, je cesse de regarder en l'air. Or que le ciel danse, rappelle, je suis plus la même qu'hier. Et quand la pluie tombe, or que le ciel danse, je suis plus la même qu'hier.